Jean Ollier, pensée choisie sur le culte de notre Seigneur, texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Chapitre 2. Les mystères de notre Seigneur. Considération générale sur les mystères de notre Seigneur. Les chrétiens doivent être revêtus intérieurement de Jésus-Christ. Saint Paul l'enseigne aux fidèles. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Soyez revêtus des vertus et des mœurs de Jésus-Christ, de ses inclinations et de ses sentiments, de ses intentions et de ses dispositions, de son esprit et des effets qu'il produit. Soyez revêtus de tout Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa vie, de ses œuvres et surtout des principales auxquelles on donne spécialement le nom de mystère. Pour montrer aux chrétiens la nécessité d'entrer et de marcher dans cette voie, le grand apôtre ne leur prêche que Jésus crucifié, il leur enseigne qu'ils sont morts, ensevelis, ressuscités avec Jésus-Christ, qu'avec ce divin triomphateur, ils sont montés au ciel, assis à la droite du Père, et qu'ils conversent avec les saints, dans le séjour des bienheureux. Il fait entendre clairement par cet énergique langage que le chrétien doit participer à la grâce que lui ont acquise les mystères du Sauveur, en sorte qu'il manifeste et exprime la vie de Jésus-Christ en son corps mortel. Aussi la Sainte Église, toujours éclairée des lumières de Dieu et attentive à s'acquitter de ses devoirs envers son divin époux, prend certains temps de l'année pour honorer ses sources de grâce, et préparer ses enfants à en recevoir les fruits. Ainsi pendant l'Avent, elle les dispose à célébrer la naissance de notre Seigneur, et, pendant le Carême, à solenniser les mystères de sa passion et de sa résurrection, mais en pressant les fidèles de rendre leur devoir à notre divin Sauveur dans le temps où elle honore ses mystères. Elle ne prétend pas qu'ils cessent, le reste de l'année, de leur porter respect et de recourir à ses sources de bénédiction. Elle désire, au contraire, qu'ils s'y désaltèrent souvent, et que, pour se revêtir entièrement de Jésus-Christ, ils communient fréquemment aux grâces qu'elles contiennent. Elle y voit le moyen de sanctifier nos œuvres, de plaire à son bien-aimé et d'être agréable au Père Céleste, qui se complaît uniquement en Jésus-Christ. Ces mystères sont de plusieurs sortes, les uns sont intérieurs et ne paraissent pas au dehors, comme, par exemple, le mystère de l'incarnation, ou l'union de la nature humaine à la personne du Verbe. Les autres sont à la fois intérieurs et extérieurs, et tout en étant le produit des opérations du Saint-Esprit dans l'âme de Jésus-Christ, en laisse paraître les effets, comme, par exemple, en sa mort ou sa résurrection. Il en est qui ont été des actes de courte durée, comme le crucifiement, d'autres ont consisté en un état permanent, comme la mort et la sépulture. Ces derniers sont pour les chrétiens un principe et un modèle d'état, et les premiers, d'action ou d'exercice. L'état signifie une disposition fixe et permanente, l'exercice, au contraire, les actes plus ou moins répétés par lesquels on acquiert un état. Si bien, que la participation au crucifiement, par exemple, est l'exercice par lequel nous détruisons la chair ou nos mauvaises inclinations, et la mort, un état dans lequel nous sommes établis, à des degrés divers, par la grâce du baptême, par la pénitence et par la répétition des actes des vertus crucifiées en toute chrétienne. Il est encore des mystères de mort et des mystères de vie. Le chrétien doit être constamment occupé à deux choses, à établir en lui la vie de Jésus-Christ et à détruire la vie d'Adam. Tous les travaux de notre Seigneur vont à mériter à son Église la grâce de la vie divine, son accroissement et sa perfection, ainsi que la mort et la ruine parfaite de la chair. Celui qui veut vivre de cette vie et parvenir à cette mort, doit s'appliquer suavement au saint mystère de Jésus-Christ, et, petit à petit, se revêtir d'eux et de leur grâce. Car, il est bon de le remarquer, cette vie et cette mort ont chacune leur commencement, leur développement et leur perfection, et il y a, entre les deux, une telle connexion que les progrès que l'on fait dans l'une sont proportionnés à ceux que l'on fait dans l'autre. Pour s'avancer en cette double voie, il faut d'abord adorer, dans une vue de pure foi, les divines opérations de l'Esprit Saint en l'âme de notre Seigneur, et remercier le Divin Maître de toutes les grâces qu'il nous a acquises. Il faut entrer ensuite dans de grands sentiments d'humilité, en considérant le peu d'effet que ces mystères ont jusqu'ici produit en nous. Il faut enfin prier notre Seigneur de nous faire communier spirituellement à ces sources fécondes de grâce, attendant en paix qu'il daigne nous unir à lui, le conjurant, quand il aura bien voulu le faire, de nous tenir intérieurement sous son action, afin que nous soyons revêtus de ses dons et dirigés par son esprit dans toutes nos œuvres. Chaque chrétien est appelé à vivre de la grâce spéciale d'un mystère de notre Seigneur. La perfection de Dieu, qui est une en soi, renferme en son unité mille attributs divers que l'on distingue clairement quand ils sont communiqués à la créature, le Créateur paraissant en elle selon le degré d'être qu'il lui a départi. Il est amour en l'une et puissance en l'autre, gloire en celle-ci et science en celle-là, etc. Toutes servent ainsi à montrer ce qu'il est en lui-même, toutes sont comme des diamants qui brillent des feux du divin soleil. Mais, comme chacun des attributs divins contient une perfection infinie, qui ne saurait être expliquée par une seule créature, quelque parfaite qu'on la suppose, la sagesse éternelle, qui a créé les cœurs des anges pour adorer et représenter ses principaux attributs, a fait dans chacun de ses cœurs une multitude d'esprits célestes, pour être comme autant d'expressions différentes de la même perfection. Chacun d'eux contribuant, selon son degré, à exprimer la beauté de celle qu'il représente se trouve heureux de la part qui lui est échue. Ainsi en est-il des chrétiens, par rapport à notre Seigneur. Ils ne sont pas seulement destinés à être ses membres et à participer à sa vie, ils sont aussi appelés à devenir des copies de ses différents mystères, à se revêtir de leur grâce et à manifester les incompréhensibles perfections renfermées en chacun d'eux. Mais pour représenter ces perfections, un petit nombre de personnes, quelque parfaites qu'on les suppose, ne sauraient suffire, elles sont incapables, non seulement d'exprimer toutes les vertus renfermées dans le moindre des actes de notre Seigneur, mais encore de reproduire en son intégrité la moindre de ses vertus, il en faut un nombre infini pour adorer chacune d'elles, la représenter et y participer. Telle étant la mission des chrétiens, et surtout des âmes parfaites, chacun doit chercher à découvrir les desseins de Dieu sur soi, être fidèle à adorer le mystère et la vertu auquel il est consacré, et commencer ainsi sur la terre ce qu'il continuera éternellement dans le ciel. Il doit encore travailler à exprimer ce mystère dans ses mœurs, et à se conformer à notre Seigneur, qui lui fournit en sa personne le modèle de telle vertu, étant assuré qu'en elle il trouvera toutes les autres. En effet, tous les mystères de Jésus-Christ ayant leur source dans son divin intérieur, celui qui communie à l'un dans toute son étendue, communie aussi aux autres, et participe à toutes les dispositions du cœur du divin Maître. Nous devons chérir, pratiquer, savourez-la et avoir toujours sur les lèvres le mystère et la vertu que nous sommes appelés à reproduire. Pour moi, Notre Seigneur m'appelle à adorer le mystère de son incarnation et de son enfance, mystère d'anéantissement vers lequel je me sens porté en tout. J'attends que ce divin enfant me consomme en son intérieur. Les saintes âmes qui ont ce bonheur sont chéries de Dieu, et jouissent de ses plus intimes communications. Chaque mystère a acquis à l'Église la grâce sanctifiante et diverses grâces actuelles, tendant à nous faire imiter les exemples que notre Seigneur nous y a donnés. Dieu répand ses grâces dans les âmes quand il lui plaît, mais plus ordinairement dans les temps où l'Église honore ses mystères. Mystère de l'incarnation. Une des grâces spéciales attachées à l'incarnation est la grâce d'anéantissement à tout amour et à tout intérêt propre. En effet, dans ce mystère, la majesté du Verbe, sa sagesse, sa force, tous ses attributs sont cachés et anéantis dans la nature humaine. Il ne laisse rien paraître de ses grandeurs. Sa divinité, pour tout ce qui tient à ses opérations extérieures, est comme si elle n'existait pas. L'humanité sainte de son côté est anéantie comme personne, elle n'a pas d'intérêt particulier et ne peut agir pour soi. La personne du Verbe à laquelle elle appartient voit et recherche en tous les intérêts de son Père. Ainsi en est-il du vrai chrétien depuis que, par le baptême, il est incorporé au Fils de Dieu incarné. Il s'étudie à imiter ce divin modèle dans ses anéantissements, il ne cherche point à paraître aux yeux du monde, à inspirer à ses frères de l'estime pour lui, à pénétrer dans le cœur des créatures pour en être regardé. Il se dépouille de tout amour propre, il se regarde comme un pur néant, et ne désire pas occuper plus de place dans l'esprit des autres que s'il n'était rien. Il n'a de dessein et d'intérêt que ceux de Jésus-Christ, puisque ce divin Sauveur est en lui par son esprit, afin d'y vivre pour son Père, comme il le faisait en sa sainte humanité, c'est là le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est point comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jean 6, 58. Lorsque mon Père m'a envoyé, il a coupé en moi toute racine de recherche, en m'ôtant la personne humaine, en m'unissant hypostatiquement au Verbe, et en me donnant son esprit, afin de me faire vivre pour lui. De même celui qui me mange vivra tout pour moi, je remplirai son âme de mes désirs et de ma vie, j'anéantirai tout ce qu'il y a de vie propre en lui, si bien que je vivrai en lui, au lieu de lui-même. Cette vie divine est une autre grâce du même mystère. Quand nous nous dépouillons de nous-mêmes, nous sommes revêtus de Jésus-Christ par une consécration totale à Dieu, car dans le moment où la sainte humanité était anéantie en sa propre personne, on lui donnait la plénitude de la divinité, et une capacité infinie pour recevoir toutes les opérations du Saint-Esprit. Et ainsi, dès le premier instant de son existence humaine, il fut rempli de la religion avant la plus parfaite et rendit à son Père tous les devoirs possibles. Chacune de ses actions contenait en soi toute vertu et toute perfection, son âme étant parfaitement soumise à l'opération très pure et très simple du Saint-Esprit. Comme il est dès ce moment constitué chef des anges et des hommes, il brûle du désir de leur donner part à ses saintes dispositions, de dilater en eux sa sainte religion, et de multiplier par eux ses devoirs envers son Père. Il dépend de nous de profiter de ses libéralités. Enfin, un troisième effet de ce mystère est une grâce d'entière consécration au service de Dieu. Quand Jésus-Christ entra dans le monde, il s'offrit à son Père avec tous ses membres, et il nous mérita, par cette offrande, l'honneur et la force de dire avec lui et en sa vertu, « Voici que je viens pour faire votre volonté. » Hébreux 10, 9. Dès lors ses fidèles serviteurs, sous l'action de l'Esprit Saint, deviennent capables d'adorer l'infinie majesté, de la louer et de lui rendre les devoirs qui lui sont dus. Il déteste le péché et le condamne incessamment, à l'exemple et sous l'influence de leur chef, ils se donnent, par la foi, à l'esprit qui est en eux pour établir dans leur cœur des dispositions semblables à celles de Jésus. Ils répètent souvent cette offrande, car si l'intérieur de notre Seigneur a été formé en un instant, ses dispositions, ses sentiments et ses vertus ne passent que successivement dans nos âmes. Il faut donc demander avec instance cet esprit de religion, d'anéantissement, de charité pour le prochain et de haine pour tous les ennemis de Dieu. Il est vrai que cet esprit est descendu en nous, au jour de notre baptême, mais il faut le fortifier et le faire grandir, jusqu'à ce que, par nos prières et par nos travaux, aidés de la grâce, nous arrivions à l'état d'homme parfait. Réflexion sur la fête de Noël et sur la fête de la Visitation. Considérant un jour l'enfant Jésus, j'appris pourquoi ceux qui désiraient être éclairés et fortifiés devaient avoir recours à lui. C'est parce qu'en son enfance, notre Seigneur ayant fait profession d'infirmité et ayant passé pour ignorant, Dieu, en récompense, lui avait donné la grâce d'éclairer et de fortifier particulièrement ceux qui avaient recours à lui en cet état. Cette disposition de la Providence parut dans le mystère de la Visitation, où Saint Jean-Baptiste, le plus grand d'entre les hommes, fut sanctifié par l'enfant Jésus et reçut tout d'un coup la plénitude de l'Esprit. J'apprends en ce moment que l'Église célèbre la fête de Saint Étienne, de Saint Jean l'Évangéliste, des Saints Innocents, de Saint Thomas de Cantorbéry et de Saint Sylvestre, dans l'octave de la Nativité de notre Seigneur, pour montrer par ces images extérieures quelle est la force et la lumière de Jésus encore enfant. Ce divin Sauveur, dès l'instant de son incarnation, possédait en plénitude tous les dons de l'Esprit Saint, mais comme, en son enfance, il n'en avait pas l'usage extérieur, il prend plaisir, au jour où on le contemple en son infirmité, à montrer dans ses seins les images de ses vertus cachées. C'est comme s'il disait, « Vous me voyez infirme, voilà pourtant en Saint Étienne un échantillon de ma force, vous me voyez muet, voilà pourtant en Saint Jean une expression de ma science. Si je ne veux pas encore endurer la mort, comme les saints innocents, c'est que je me réserve de souffrir davantage, et de donner à mon Église l'exemple des plus cruels martyrs. » Il prétend encore en cela nous montrer que toute l'idée de son Église était renfermée en sa personne. C'est pour ce motif qu'en cette semaine, il nous fait honorer un diacre, un évêque, un pape et un apôtre, qui sont les principaux membres dont se compose sa hiérarchie. Il n'y a point de force dans les martyrs, de sainteté dans les prêtres, de zèle dans les apôtres, de lumière dans les évangélistes et les prophètes, il n'y a point de piété et de charité dans les évêques, de religion et de sagesse dans les papes, qui ne fussent renfermés en lui, dans son enfance, avec infiniment plus de perfection. C'est dans le même esprit que l'Église fait honorer le mystère de la Visitation après l'octave de Saint Jean-Baptiste, quoique, dans l'ordre où les faits se sont passés, on dut la célébrer auparavant. Elle donne le loisir de contempler pendant 8 jours la sainteté, la grandeur, la force, la pureté, la pénitence, l'amour et l'humilité de ce grand saint, afin qu'après avoir admiré sa naissance, sa vie et sa mort pendant toute une octave, on admira ensuite la force, la vertu, la lumière de Jésus enfant, qui, dès le sein de sa mère, opéra ses grandes merveilles dans ce chef-d'œuvre de sainteté. Il fit, en un moment, un des plus grands saints de l'Église, ce qu'il n'a pas fait durant le reste de sa vie. Ô divine enfance de mon maître, je me consacre à vous pour jamais. Présentation de notre Seigneur. Jésus-Christ, au jour de son incarnation, se consacra comme hostie à Dieu son Père, et il se dévoua entièrement à son service et au service de l'Église. C'est pour cela qu'il a voulu paraître au milieu de nous en qualité de serviteur, sic ut qui ministrat, Luc 22, 27. Mais au moment de l'incarnation, ses dispositions étaient purement intérieures, il les rendit sensibles et publiques au jour de la chandeleur, lorsqu'il fut présenté au temple par sa mère, et qu'il accomplit ses devoirs extérieurs de religion. Il fit profession, en ce mystère, d'être le serviteur de l'Église, en même temps qu'il se déclarait le serviteur de son Père, « Je suis votre serviteur en ma personne, je suis votre serviteur en la personne de votre Sainte Église, votre chaste épouse est la demeure du Saint-Esprit. » Confère Psaume 115, 16. Notre Seigneur, en se présentant à son Père et en s'offrant à lui, au jour de la chandeleur, lui présentait en même temps toute l'Église dont il est le chef, et comme Adam, père du genre humain, perdit toute sa famille en s'éloignant de Dieu, ainsi notre Seigneur, comme chef de son Église, a sanctifié toute sa maison par une seule oblation de lui-même et de ses membres. Mon bon maître m'a fait vivre presque toujours dans son esprit de servitude envers l'Église et envers ses membres. Je n'en aperçois aucun dont je ne me considère comme le serviteur. Je regarde chaque âme comme ma dame et ma reine. J'ai été averti intérieurement que je devais me comporter ainsi dans la paroisse de Saint-Sulpice, étant à la disposition de chacun pour le servir en son besoin. Je ne suis plus à moi, mais à tous. Je dois être plein de charité pour tous ceux qui sont confiés à ma sollicitude. Crucifiement et mort de notre Seigneur. Le crucifiement de notre Seigneur nous donne en la vertu de l'Esprit Saint la grâce et la force de crucifier toutes nos convoitises, ou tous les obstacles qui s'opposent au développement de la vie surnaturelle en nos âmes, et qui empêche Jésus-Christ de croître et de s'achever en nous. Le chrétien en effet possède deux vies, la vie d'Adam et celle de notre Seigneur, la vie de la chair et celle de l'esprit. Ces deux vies sont opposées, il faut que l'une soit totalement anéantie, pour que l'autre devienne absolument parfaite. Or, tant que nous sommes ici-bas, la vie de la chair n'est jamais entièrement détruite. Il arrive bien que, par privilège et en récompense de mortifications héroïques, ou d'une grande fidélité à l'Esprit Saint, l'âme se sent parfois morte à cette vie grossière, mais ce n'est jamais qu'en passant, et par une partie d'elle-même. Aussi la vie de Jésus-Christ en nous n'est jamais si paisible, ni tout à fait parfaite en ce monde. Il faut toujours avoir l'épée à la main. Pour dompter les ennemis de Dieu et les nôtres, il faut toujours être en exercice pour mortifier et détruire la vieille créature. La grâce de lutter ainsi pour faire croître la vie divine, et pour la fortifier en notre intérieur, nous est donnée par la confirmation. Aussi les effets de ce sacrement sont-ils très différents de ceux du Saint Baptême. Celui-ci nous fait enfants en Jésus-Christ, et celui-là ses soldats, l'un nous donne la vie et l'autre la force, l'un nous donne la paix et l'autre la guerre, l'un nous tient dans le berceau et l'autre au milieu des combats. Voilà pourquoi on compare l'Église tantôt à une maison de paix et de repos, tantôt à une armée rangée en bataille, et à un lieu de triomphe. Imaginez un roi intrépide qui voudrait habiter dans un château ruiné et devenu le repaire de tigres et de lions. Il s'y établit. Ses serviteurs, pour le protéger contre les attaques de ces bêtes féroces, entourent le lieu qu'il a choisi pour sa demeure de barrières infranchissables. De ce fort, et avec l'aide de leur souverain, Ils détruisent petit à petit ces animaux, et rendent enfin leur prince à peu près complètement maître de la place. L'application de la comparaison est facile. Le roi est notre Seigneur Jésus-Christ, le château ruiné est l'homme, déchu, les bêtes féroces dont il est rempli sont nos désirs malins et vicieux. Notre adorable monarque vient s'établir dans la partie supérieure de notre âme. Pour l'y protéger, il faut l'environner d'une telle barrière de croix, qu'aucun des désirs naturels de la chair ne puisse s'emparer du lieu où il repose. Il faut que ces désirs soient petit à petit réduits à l'impuissance, sous l'action de Jésus et sous la nôtre, jusqu'à ce que notre roi devienne le maître de notre âme tout entière. Le combat qu'il faut soutenir à cette fin, est celui que saint Paul prescrivait à toute l'Église et à chacun des fidèles, quand il disait « Crucifiez en vous le vieil homme, avec ses convoitises » Galates 5, 24. Sanctifions donc par la mortification nos cœurs et nos corps. Crucifions intérieurement nos passions, en témoignage de notre union à Jésus-Christ et de notre participation à la grâce de la croix. Attachons au gibet les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les désirs et les inclinations de la vieille créature, qui s'élève en nous contre le gré de notre hôte divin. Sacrifions tout ce qu'il y a d'impur dans notre cœur. La vapeur d'une seule passion immortifiée suffit pour ternir toute la splendeur et tout l'éclat dont Jésus-Christ avait revêtu une âme. Vivons donc en éloignement de toute attache à la créature. Montrons à notre bon maître que nous tenons à lui par-dessus tout, et que nous sommes décidés à nous priver de toute satisfaction, afin de ne point le faire souffrir dans notre cœur par les exhalaisons infectes du péché. Unissons-nous à l'Esprit Saint pour réaliser cette entreprise. Il sera lui-même l'exécuteur de la sentence prononcée contre la chair. Les vertus chrétiennes seront les clous dont il se servira pour crucifier notre amour propre et nos désirs charnels. Il lira et étouffera par elles nos inclinations déréglées. Quand un chrétien s'est mortifié, durant un temps plus ou moins long, selon la générosité et la constance de ses efforts, il entre en participation de la grâce que notre Seigneur nous a méritée par le mystère de sa mort. Cette grâce est un état où l'âme ne peut être émue en son fond, quand le monde lui montre ses plaisirs, ses honneurs, ses richesses, c'est comme s'il les offrait à un cadavre. Un mort peut bien recevoir quelques mouvements en son corps, mais cette agitation est extérieure, l'intérieur est sans vie, sans vigueur et sans force. De même, une âme qui est morte au monde peut bien recevoir les impressions des choses extérieures, et être ébranlée au dehors et dans sa partie inférieure, mais au-dedans, c'est-à-dire dans sa volonté, elle demeure sans mouvement pour tout ce qui se présente, elle est insensible aux choses vaines du siècle, à cause de la vie divine qui absorbe ce qu'il y a en elle de mortel. Grâce du mystère de la résurrection. Les chrétiens consommés en Jésus-Christ ont une vie divine, ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont d'autres Jésus-Christ, vivant intérieurement de sa vie de résurrection. Car, de même que notre Seigneur ressuscité est changé, pour ainsi dire, et n'a plus les mœurs de la nature humaine, qui aime la vie et redoute la mort, ainsi les saintes âmes, par le mystère de la résurrection, doivent être renouvelées et établies dans un nouvel état de sainteté. Dieu s'est emparé d'elles, il les a, pour ainsi dire, changées en lui. Quand il dit, « Je le veux », la créature absorbée en lui, dit à l'instant, « Je le veux ». Qu'elle connaisse cette volonté adorable par les ordres des supérieurs ou par une vue intérieure, elle ne dit point, « Mon Dieu, puisque vous le voulez, je le veux, mais, vous le voulez, le voilà fait ». Elle exécute ce que Dieu ordonne, sans se mettre en peine de se porter à l'obéissance, parce que sa volonté est engloutie en celle de Dieu, il n'y a plus, pour ainsi dire, de distinction entre les deux. Cet état est le mien. Je ne puis sentir en moi aucune volonté propre. La cause n'en est pas en mon industrie et en ma fidélité. C'est la miséricorde divine qui le produit, afin que je puisse l'exprimer et le faire entendre pour encourager les âmes. C'est ce qu'on appelle vie divine ou vie de résurrection. Elle change tous les mouvements et toutes les inclinations de la chair, tous les désirs d'être à soi, d'agir pour soi, pour l'honneur, le plaisir, l'intérêt. Elle donne des inclinations et des mouvements semblables à ceux des bienheureux, elle fait estimer et aimer les mêmes choses, louer et adorer le même Dieu, parce qu'elle fait vivre de la vie de Jésus-Christ ressuscité, principe de la vie des bienheureux. Mais parce que, sur la terre, cette vie ne se passe que dans l'esprit, et qu'on a, dans ses membres, des dispositions et des sentiments tout opposés, nous avons toujours à combattre contre la vieille créature, qui ne sera réformée qu'au jour du jugement.